Chapitre 29e, Bertrand Madrier innove. Comme souvent, quand il dormait à l'appartement, Dutilleul s'était beaucoup tourné et retourné pendant la nuit précédente. La place à côté de lui était vide, Mado lui manquait. Elle le calait parfaitement. Sans sa chaleur, il avait froid, et il se sentait toujours un peu perdu. Il pensa alors aux tournelles. Il devait trouver une nouvelle occasion pour s'y rendre. Plus que jamais, il sentait qu'il avait laissé échapper quelque chose de crucial, et le lever du jour n'avait en rien atténué ce sentiment. Il devait revoir Bertrand Madrier. Il savait qu'il possédait l'une des clés de l'affaire, certainement sans même en avoir conscience. La nuit précédente, Dutilleul avait repensé à la surveillance avortée des tournelles. Devant l'évidence, il avait fini par accepter qu'il ne se passât peut-être rien de nuit, même si la chose était des plus frustrantes. Il avait mobilisé inutilement des moyens, ce dont il avait horreur. Toutefois, se disait-il pour se réconforter un peu, tout n'était pas négatif, car il devait à présent examiner l'autre alternative. En effet, si rien ne se produisait la nuit, rien ne lui interdisait de surveiller l'institution de jour. Il repensait à la seconde conversation qu'il avait eue avec Bertrand Madrier, et plus précisément au statut d'externe. Peut-être serait-il bon de savoir si d'autres pensionnaires bénéficiaient de ce régime de faveur depuis leur dernière entrevue. L'idée lui parut soudain si séduisante qu'il choisit de se rendre aux tournelles dès le lendemain matin. Il fit donc appeler par Patricia, et une audience d'une demi-heure lui fut accordée d'assez mauvaise grâce par le maître des lieux en personne. Pour la première fois, Bertrand Madrier fut ponctuel, et il reçut Dutilleul dans le même décorum que les fois précédentes. Celui-ci toutefois ne s'en formalisa pas, car il était reconnaissant de lui avoir épargné la compagnie de sa secrétaire. Celle-ci portait un très vilain ensemble vert et était lourdement parfumée. Dutilleul avait parfaitement vu qu'elle faisait semblant de tapoter vaguement sur son clavier pour donner le change. Elle regardait constamment sa montre. Elle devait attendre un appel. Dutilleul se reconcentra alors sur l'entrevue et sentit immédiatement que Madrier avait l'air très satisfait de lui-même. Il brûlait visiblement d'être interrogé. S'il se montrait suffisamment subtil, Dutilleul pouvait certainement récolter des informations très intéressantes. Aussi décida-t-il d'attaquer prudemment. « Monsieur Madrier, si je me suis permis de vous déranger à nouveau, c'est qu'il semble bien que la fois dernière, nous eussions évoqué ensemble le cas des externes. » À l'air ravi de son interlocuteur, Dutilleul sut immédiatement qu'il avait tapé dans le mille. Visiblement, il y avait du nouveau. Le tout maintenant était de laisser venir doucement, sans rien brusquer. Aussi tenta-t-il une nouvelle approche, tout aussi détournée. Avez-vous intégré d'autres pensionnaires relevant de ce régime ? Non. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, ce n'est pas la formule que je préfère. Effectivement, je crois me souvenir que vous préférez de loin l'immersion totale. Tout à fait. Je vois que vous avez été attentif. Cependant, il arrive parfois. Oui. Eh bien, je me dois de vous avouer que j'ai dû, en quelque sorte, revoir quelque peu ma position ces derniers temps. Dutilleul eut soudain un frisson qui ne trompait pas, mais il ne devait surtout pas montrer son soudain regain d'attention. Aussi continua-t-il, mine de rien. « Peut-être pourriez-vous vous montrer plus précis ?» Madrier se rengorgea immédiatement. Il avait tout maintenant de la diva qui fait enfin son entrée en scène pour entonner son grand air. « Eh bien, en fait, j'ai dû, comment dire, innover. Oui, je crois que le mot est juste. J'ai créé un nouveau régime, une sorte de semi-liberté. En quoi consiste celle-ci ? » reprit Dutilleul, toujours aussi faussement imperturbable. « Eh bien, en fait, pour mes meilleurs éléments dont les capacités leur permettent d'intégrer une prépa, je leur permets de renforcer leurs connaissances en prenant des cours de soutien à l'extérieur de l'établissement, avec l'accord des parents, cela va sans dire, » répondit Madrier, toujours aussi fier. Dutilleul se devait de reconnaître que l'idée était originale, et même s'il ne savait où tout cela allait le conduire, il se devait de poursuivre, on ne savait jamais. Combien de pensionnaires bénéficient de ce traitement de faveur ? À cet instant, le visage de Madrier se teinta d'un joli rose. « Eh bien, une seule élève, en fait. Mais, s'empressa-t-il d'ajouter, c'est un élément absolument exceptionnel, énorme potentiel en qui je fonde beaucoup d'espoir. Je lui donne juste le petit coup de pouce qui pourrait bien faire toute la différence. Élever d'autant la réputation de ton établissement, pensa Inpetto Dutilleul. Mais au lieu d'émettre une remarque aussi désobligeante, Dutilleul se reconcentra immédiatement sur l'heureux élu. Obtenir son nom ne posa guère de problème. Thérèse Turandot, très intelligente. De plus, vraiment pas de magouille à redouter de ce côté-là. Elle joue le jeu. Vous pensez bien que je ne suis pas naïf, j'ai vérifié. Ah, si les petits cochons ne la mangent pas, je pense que l'on peut légitimement attendre de grandes choses de sa part. De qui reçoit-elle ce soutien si bénéfique ? D'un bon copain en qui j'ai toute confiance. Cette fois, Dutilleul ne jugea pas utile de demander le nom. Il finirait par trouver. Il venait de mettre la fille sous surveillance. Quelque chose lui disait qu'il devait le faire, et il était plutôt du genre à suivre ce genre d'intuition. C'est pourquoi, pour endormir la méfiance de Madrier, il dériva sur la question des permis de conduire. Comme il s'y attendait, Madrier n'avait aucune réponse à apporter, car le renseignement n'était pas demandé en début de scolarité. De toute façon, dans un pensionnat, quelle utilité pouvait-on bien avoir d'une voiture ? Dutilleul se le demandait, en effet. Peu après, non sans avoir échangé les formules de politesse d'usage, Dutilleul quitta les Tournelles et décida d'aller déjeuner avec Bellegarde. Il avait besoin de réfléchir et, pour une fois, il avait grand faim. Aussi allait-il prendre le temps de faire une vraie pause. Ce fut donc seulement au moment du café que Bellegarde entreprit d'interroger son chef. L'information qu'il avait à lui révéler devait être d'importance car rarement il l'avait vu si détendu. Aussi, comme à son habitude, il attaqua simplement. « Alors, chef, qu'avez-vous appris de nouveau, Tournelles ?» Dutilleul prit un instant avant de répondre, mais Bellegarde, qui le connaissait bien, ne pouvait se tromper sur l'étincelle qui brillait dans son regard. « Auparavant, voyez-vous, le dicton populaire est dans le vrai. La nuit porte conseil. Non, non, je n'ai pas perdu l'esprit, mon bon Bellegarde. La nuit dernière, j'en suis venu à m'interroger sur les raisons pour lesquelles notre surveillance nocturne des Tournelles avait échoué. Je connais suffisamment le mûrier et Jandrelle pour ne pas leur en imputer l'échec. Surtout que le mûrier s'est montré particulièrement consciencieux. Oui, oui, je sais. Donc, il me restait à comprendre le pourquoi. Après avoir tourné et retourné le problème dans ma tête, j'en suis venu à me dire que si nous n'avons rien vu, c'est peut-être que justement, il n'y avait rien à voir. Pardonnez-moi, chef, mais je ne suis pas sûr de vous suivre. Je vais vous expliquer, mais laissez-moi juste vous poser une question. Pensez-vous que le Club 23 va continuer ses activités ? Bah, il n'y a aucune raison qu'il s'arrête, chef. Surtout que pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il ait fait beaucoup d'erreurs. Je suis assez d'accord avec vous. Or, vous connaissez comme moi l'adage populaire qui dit que l'appétit vient en mangeant. Bellegarde eut soudain un sourire radieux. Attendez, chef, attendez. Je crois comprendre où vous voulez en venir. S'il veut poursuivre ce que vous appelez pudiquement son activité, il lui faut absolument trouver de nouvelles cibles. Excellent, Bellegarde. Je vous en prie, poursuivez. Qui dit cible, dit forcément repérage préalable. Or, oui, à présent c'est limpide. Si le repérage ne se fait pas de nuit, Bellegarde, je crois que je vais vous inviter plus souvent, car vous vous surpassez. Ce n'est pas de refus, chef. Plaisanterie mise à part, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que cela éclaire l'affaire d'un jour tout à fait nouveau. C'est certain. C'est alors que m'est revenue opportunément en mémoire une conversation que j'avais eue avec Madrier, il y a de cela quelque temps, concernant le statut de ses pensionnaires. Il me semble vaguement m'en souvenir. N'y avait-il pas trois régimes bien définis, externes, demi-pensionnaires et internes ? Tout à fait. Mais je dois vous dire que notre ami Madrier, visiblement insatisfait, a comme innové en la matière. Bigre ! Quelle est donc cette innovation, si je puis me permettre ? Eh bien, il a créé de toutes pièces un régime de semi-liberté. Notez bien que je ne fais que reprendre ses propres termes. Peut-on savoir en quoi cela consiste ? C'est là qu'il faut vous accrocher, mon bon Bellegarde. Voyez-vous, ce cher Madrier semble soudain être devenu très soucieux de la réputation de son établissement. Par un hasard des plus curieux, il se trouve qu'une bonne âme a placé dans ce même établissement une étoile susceptible d'intégrer une prépa. Notre homme, qui n'est pas un imbécile, connaît parfaitement les lacunes de son établissement. Alors, pour pallier ce problème, il a imaginé de faire prendre des cours à l'extérieur à ladite étoile. « Cette excellence-là ?» dit Bellegarde, réjoui. Dutilleul redevint sérieux un instant. « Notez tout de même que c'est bien faible, Bellegarde, et que nous pouvons complètement nous tromper. Sans doute. Néanmoins, les risques ne sont pas si grands si on laisse Viard en dehors, du moins dans un premier temps. Seulement, imaginez que vous ayez raison. Je vois que nous sommes sur la même longueur d'onde. Je mets immédiatement le service sur la piste. Il suffira pour commencer de suivre la fille pour apprendre l'adresse de son soutien. La chose ne pose aucune difficulté. Ensuite, il faudra loger tous les habitants du lieu. Oui, mais attention aux Bellegardes. Il faudra faire très propre. Ne vous inquiétez pas, chef. Il faudrait peut-être faire revenir Girardin. C'est une mission largement dans ses cordes. Non, Bellegarde, pas encore. Je préfère qu'il reste sur l'affaire Pradier. Comme vous le savez, nous ne sommes pas encore au bout. En revanche, vous avez mon feu vert pour le contacter et lui demander qui il mettrait sur l'affaire. Je m'en occupe dès cet après-midi. Ah, chef, je suis comme vous. Je crois que l'on va enfin pouvoir un peu se friser la moustache. Il suffit d'attendre. Ne nous emballons pas, Bellegarde. Ce n'est qu'une intuition. Je sais, chef, mais croyez-moi, s'il y a quelque chose à trouver, on trouvera. Pierre Plantier avait enfin suivi les conseils de Jean Cartrieux. Il avait expédié Sandrine et Loïc aux États-Unis. Il pensait que ce départ ne lui ferait pas grand-chose, mais il se trompait. Il n'avait pu s'empêcher de ressentir un petit déchirement qui faille le faire revenir sur sa décision. Il bénit le fait que les passeports aient été si difficiles à obtenir, car sinon il aurait craqué au moment de l'embarquement. Comme d'habitude, Sandrine et Loïc n'avaient pas manifesté d'émotion particulière. Ils ne l'avaient même pas salué avant de monter dans l'avion, alors que lui était au bord des larmes. Pour se remonter le moral, il s'était réfugié dans une cafétéria pour prendre un café. Il remarqua que sa main tremblait un peu en prenant sa tasse. La serveuse, une jolie jeune fille à la chevelure flamboyante, lui proposa alors de la porter. Il accepta sans façon et lui laissa un confortable pourboire. Il s'en moquait complètement. Le liquide brun et chaud lui fit du bien dès la première gorgée. Pourtant, il n'était pas particulièrement bon, mais il ressentit immédiatement un curieux bien-être. Il se sentait comme apaisé, enfin. Un peu plus tard, il était rentré consoler Nadine. Depuis, une carte de Los Angeles était arrivée. Pierre y avait vaguement jeté un coup d'œil. Au dos, deux signatures étaient gribouillées ainsi qu'un « tout va bien », visiblement griffonné à la va-vite. Il l'avait laissé bien en évidence pour Nadine. Il savait combien pour elle c'était important. Lui ne ressentait absolument rien. Sa mère avait également écrit de Thaïlande. Au moins le texte était un peu plus long et l'écriture appliquée. Elle ne semblait pas s'amuser beaucoup. Les sites étaient merveilleux, mais il était visiblement impossible d'avoir la moindre explication. Elle annonçait son retour pour la semaine suivante. Sans doute se verrait-il au cours du week-end. Si le temps le permettait, il sortirait le bateau, car il y prenait à nouveau du plaisir. Si Jeannot était disponible, il l'inviterait à faire un tour. Il respira à plein poumon. À présent, il se sentait bien. Le départ de Loïc et de Sandrine l'avait libéré au-delà de toute espérance. Pourquoi le cacher? Il ne ressentait plus l'étau qui lui comprimait la poitrine à chaque fois qu'il les croisait. Même si ce tour des États-Unis coûtait très cher, il était heureux de les savoir loin de lui. S'il pouvait ne jamais revenir, la chose lui convenait très bien. Puisqu'il avait promis, il tiendrait ses engagements. Il leur enverrait un peu d'argent pour qu'ils puissent se payer l'essentiel, mais il n'irait pas plus loin. Il ne les avait même pas interrogés sur leur projet. De toute façon, il ne leur parlait plus depuis des années. Au début, bien sûr, la chose avait été difficile, mais plus maintenant. Il avait pris goût à cette relation sans heurts, mais intéressée. Tous deux aimaient les choses aussi chères que fût-il, mais Pierre s'en moquait. Le jour viendrait où il devrait se prendre en charge. Le moment venait toujours. À eux de se débrouiller. Il n'était absolument pas sûr de vouloir s'acquitter du billet de retour. Il s'était longtemps tu pour épargner Nadine, qui n'avait pas franchement mérité ça. Il n'avait pas non plus parlé à sa mère parce que, tout simplement, il n'en avait jamais trouvé la force. Une nuit, à bout, il avait bien failli craquer, mais à la toute dernière minute, il avait préféré boire un verre d'eau. Bien d'autres, depuis, s'étaient succédés.